Chez nous y'a pas d'thunes, si t'en as trop, on te fume. S'il faut plonger, rien à foutre, on assume. Du mal à digérer à force de bouffer le bitume. Ça peut dégénérer pour un regard, ça allume. Nostalgique tes pensées, en matant la lune. C'était mieux quand t'étais membre, t'as pas le choix. T'es un homme du passé, t'es la somme. Ton futur c'est à présent. L'état nous a bloqués dans ces blocs comme une prison. J'ai passé ma jeunesse, mon vécu entre kills, braqué folle. L'innocence au père, premier jouet en premier contrôle. Ce sont ceux chez nous à voir. Goûter la dole, vie change quand tu perds un frère. De balle dans le corps, j'ai plus haine que de cœur. La rue m'a pas lafré le cœur. J'emporte les marques, les erreurs et aucune plaque ne me fait peur. Regarde ce qu'on est devenu, des criminels endurcis. On se détruit au lieu de s'unir, ça s'encule et ça sourit. Regarde nos dossiers issus de l'immigration, pris pour cible dans cette nation. Course poursuite, dépression, impulsion et passe-temps. Trahison, illusion, à leurs yeux nos vécus sont dérisoires. On vit le soir car on porte dans le sang. Toujours une pensée aux absents, sont en prison. Car chez nous c'est sombre horizon. C'est pas une fiction que nous vivons. Attitrés, délinquants dans leur médisance. Regarde d'où on vient, ouais regarde ce qu'on devient. La rue nous retient, trop de rage qu'on contient. La misère qui nous tient, tous un but à atteindre. Plus le temps d'étendre, marre d'attendre. Sans se plaindre, avant que nos rêves partent ensemble. De la haine dans le sang, regarde ce qu'on est devenu. Regarde ce qu'on est devenu. Pas le choix, ma route est déjà tracée. Continue mes projets sans me retourner. Éprouver, peur de rater le test. Tous écroués dans ce bas monde, faut purger sa peine. Seul, jugé sans appel, pire qu'à huis clos. Personne pour assister là où personne peut assister. On choisit pas son destin, le sablier retourné. Depuis ma naissance, l'heure tourne, le temps court. La vie est courte, pas le temps pour bloquer sur mes défaites. Ici on forme une armée de force. Et comme drogue, je vois pas plus loin que l'air pour l'alcool. Vent craint, la mort ou la tôle. Une pensée aux défunts et ceux qu'on y isole. J'ai manqué de bol depuis moi, mais je voulais du cash grâce au football. Là c'est grâce à plein de choses. Auparavant, décevant, j'ai rien plus de rose. Passer mon temps les poches creuses, à forcer les portes closes. Un gars simple, y'a pas de statue à mon effigie. 2007, la même recette, dans la musique je me réfugie. Fugitif, tagueur, rappeur hargneux, barbu. Au gros bide, parfois dans ma tête c'est le grand vide. À 3,5, je me lève pour nettoyer ma ville. C'est dur, y'a pas de sous-métier, faut bien gagner sa vie. Mes feuilles de rime sont aussi pleines que mon carnet de santé. Gros problème, pendant plus d'un an, je me suis absenté. Regarde d'où on vient, ouais regarde ce qu'on devient. La rue nous retient, trop de rage qu'on contient. La misère qui nous tient, tous un but à atteindre. Plus le temps d'étendre, marre d'attendre. Plus le temps de se plaindre, avant que nos rêves partent ensemble. De la haine dans le sang. Regarde ce qu'on est devenu. Regarde ce qu'on est devenu. Cambodgien d'origine, je nique la politique à Pol Pot et son putain de régime. Maintenant tu sais pourquoi je rigole peu quand je parle d'où je viens, du shit, du col al. Pour oublier ce que je vis, ah, je déchire mon corps en tombant malade. J'en deviens point pâle, mes points de repère. Ma mère et mon père, que je gagne ou que je perds. Ma façade reste un mystère. Black, blanc, peur, bridé. Voilà mes frères de son, un soir de décembre. De voitures brûlées, de sang. Ma nature, elle crache toutes ses origines du ghetto. Vu que très tôt, je suis stock. Y'a une sale odeur de bédo. La valeur du peso nous a rendu complexés. Vexés, nos casiers qu'on pense en épaisseur. Je teste tes deux côtés, le bon et le mauvais axe. Crash pour les Air Max, rêver de faire du VMAX. VMAX, je suis devenu quelqu'un de bien. Vraiment, t'es ma, je m'en sors. Je suis même un de ces gars de la légende. Regarde d'où on vient, ouais, regarde ce qu'on devient. La rue nous retient, trop de rage qu'on contient. La misère qui nous tient, tous un but à atteindre. Plus le temps d'étendre, marre d'attendre. Plus le temps de se plaindre, avant que nos rêves partent ensemble. De la haine dans le sang, regarde ce qu'on est devenu.